piano. Mais pourquoi jouer? Puisque personne ne m'entend, à quoi bon s'ennuyer à étudier? Du chahut, de la fougue, de la musique, des balles, des foules, du fracas. Quel est votre nom? Et le rythme de Flaubert qui scandait tout dans son gueuloir. Madame Bovary. Madame Bovary, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie a baissé dans notre pays. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Est-ce l'effet de la Covid et des bientôt 100 000 morts qu'elle a provoqués? Parallèlement, nous avons également connu une chute de la natalité. Quelle démographie connaîtra-t-on à la fin de cette crise sur le long terme? C'est la question que pose le temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. Le 18 mars dernier, la NASA mettait un point final à sa première grande batterie de tests en conditions réelles de son futur lanceur lourd, le SLS pour Space Launch System. La fusée qui a pour ambition, via le programme Artemis, d'être la prochaine fusée américaine à permettre à des astronautes de poser le pied sur la Lune plus de 50 ans après la dernière mission Apollo. Mais alors qu'Apollo couronnait la victoire américaine dans la course à l'espace en 2020, la course ne se joue plus contre l'ennemi russe, mais contre le secteur privé, et notamment SpaceX et son propre projet de lanceur Starship. La guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? SLS, la NASA envoie du lourd, c'est le programme spatial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce nouveau défi technologique de la NASA et le secteur concurrentiel dans lequel il se déploie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Puteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller industriel au sein du cabinet Euroconsult spécialisé dans les études de marché pour l'industrie spatiale, et Xavier Pascaud, bonjour. Bonjour. Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur notamment du Nouvel Âge Spatial, c'est aux éditions du CNRS. Mais on commence par celle qui envoie chaque jour un sacré paquet d'informations scientifiques. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec deux études parues hier dans The Lancet Infectious Disease et The Lancet Public Health. Le variant britannique du SARS-CoV-2 ne provoquerait pas une maladie plus grave. Oui, on sait que le variant B117 est plus contagieux. Il représente aujourd'hui la majorité des infections en Europe. Mais des doutes persistent quant à sa gravité. Alors selon ces deux études, cette souche ne provoque pas de symptômes différents ou plus nombreux que le virus d'origine. Pour la première étude, celle du Lancet Infectious Disease, des chercheurs britanniques ont séquencé le génome du virus de plus de 300 personnes positives au SARS-CoV-2. 58% de ces patients étaient infectés par le variant britannique. Les chercheurs ont ensuite comparé la gravité de la maladie dans les deux groupes. 36% des personnes infectées par le variant anglais ont dû être hospitalisées, contre 38%, donc pas de différence significative entre les deux souches. Quant à la seconde étude, celle du Lancet Public Health, elle s'appuie, elle, sur les données autodéclarées de près de 37 000 utilisateurs anglais d'une application de suivi de symptômes Covid. Alors là non plus, aucune preuve d'une gravité accrue de la maladie. Alors néanmoins, ces résultats sont contradictoires avec de précédentes études, notamment celle de la revue Nature, parue en mars. Mais ce qui varie entre ces papiers, ce sont les méthodes et le type de patient étudié. Des analyses supplémentaires sont donc nécessaires. Voilà, si vous voulez tout comprendre à ces deux études du Lancet, nous avons posté, comme toujours, des liens sur notre fil Twitter, @laméthodefc, que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue dans Molecular Psychiatry décrit la découverte de biomarqueurs sanguins pour diagnostiquer la dépression et les troubles bipolaires. Une équipe américaine a développé un test sanguin de biomarqueur d'ARN qui peut détecter la gravité d'une dépression, de troubles bipolaires, mais aussi repérer le risque de développer ces pathologies. Alors pendant 4 ans, les chercheurs ont suivi les changements d'humeur de 300 patients. Ils ont analysé leur échantillon sanguin. Ils ont ainsi découvert 26 biomarqueurs d'expression génique liés à la dépression et aux troubles bipolaires. Ils ont ensuite invalidé ce panel de biomarqueurs sur une autre cohorte de patients. Alors nous n'en sommes pas encore à une utilisation clinique de ce test, mais cela représente une grande avancée pour le diagnostic de ces maladies et pour une meilleure prise en charge médicamenteuse. Aux États-Unis, le projet d'une fusée à propulsion nucléaire serait en train de se concrétiser. Oui, les États continue l'expansion de leurs forces militaires dans l'espace. La DARPA, l'agence des projets de recherche avancée pour la défense, a annoncé hier vouloir mettre en orbite, d'ici 2025, un prototype de fusée à propulsion nucléaire. Alors la propulsion thermique nucléaire, cela consiste à utiliser un réacteur nucléaire pour chauffer le combustible de la fusée afin de générer une poussée puissante. La fusée devrait être propulsée non pas depuis la Terre, mais une fois dans l'espace, au-dessus de l'orbite terrestre. On estime que cette technologie permettrait aux engins spatiaux de parcourir rapidement d'énormes distances et d'être plus agiles. Et enfin, nous parlions dans notre émission d'hier de bioacoustique. Selon une étude parue dans la revue Scientific Reports, si les gorilles se frappent le torse, c'est pour annoncer leur corpulence. Oui, c'est l'un des sons les plus emblématiques du règne animal et pourtant, il est resté mal compris. Pendant 2 ans, une équipe germano-américaine a observé et enregistré 25 gorilles à dos argenté dans le parc national des volcans, au Rwanda. Ils ont découvert que le son émis par les battements de poitrine varie selon la corpulence de l'animal. Les grands gorilles produisent des sons plus profonds. Ces primates se frappent donc le poitrail comme une sorte de signature personnelle acoustique qui leur permettent d'annoncer leur présence et de s'identifier à distance. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Je profite de la présence de mes deux invités. Peut-être un mot sur ce moteur. Je vous voyais réagir, Maxime, plutôt sur ce moteur à propulsion nucléaire. Oui, c'est le dernier regain d'intérêt pour la technologie de la propulsion nucléaire qui a été investigué dans les années 70 et puis abandonné et qui pose énormément de questions en termes d'acceptabilité mais qui est très prometteuse. Mmh. Xavier Pascoe, un mot ? Oui, on assiste aujourd'hui en général à un regain d'intérêt pour le nucléaire dans l'espace en réalité. C'est lié aussi au contexte général de retour de l'exploration lointaine et d'installation future de l'homme dans l'espace. Donc ça pose tout un tas de problèmes évidemment par ailleurs. Eh bien, ça donne aussi l'idée d'un futur peut-être sujet d'émission complète pour parler de cette propulsion nucléaire. Mais le sujet du jour, ça n'est pas la propulsion nucléaire, c'est une bonne vieille propulsion chimique à l'ancienne pour le Space Launch System. Depuis la fin de la navette spatiale, c'était il y a 10 ans déjà, c'était en juillet 2011, c'est de facto la Russie en grande partie qui a le monopole de l'envoi d'êtres humains, en tout cas dans l'espace avec sa capsule Soyouz, et pour l'heure uniquement à destination de la Station Spatiale Internationale. Alors il y a certes depuis très peu de temps quelques nouveaux acteurs privés qui font un peu de bruit dans le secteur spatial, au premier rang desquels bien sûr SpaceX, avec l'incontournable Elon Musk et ses différentes fusées, lanceurs et capsules habitées, mais la NASA n'a pas dit son dernier mot et malgré quelques atermoiements fonction des changements de présidence depuis le début des années 2000, son futur lanceur lourd qui doit accompagner la capsule Orion et 4 astronautes jusque sur la Lune d'ici les prochaines années, est maintenant bien engagé. Le SLS donc pour Space Launch System, ça ne va pas le faire toute l'émission, on va dire SLS c'est plus rapide, vient de conclure une série de tests intitulés Green Run dont le dernier a eu lieu le 18 mars et ça donnait ça. Go for engine start. H-boys are on and engine starts has been okay. And all personnel, we've got engine start and we're into the plus count. All personnel, please continue to monitor your system and grass is in control. Peut-être pouvez-vous nous décrire un peu ce qu'on est en train d'entendre, Xavier Pascoe. Ben ça, c'est le test à feu en fait, des moteurs, comme s'ils étaient en configuration de vol, donc du premier étage. Et il y avait eu un test précédent qui s'était interrompu au bout de quelques dizaines de secondes. Et là, on a pu dérouler le test, on va dire, de manière fictive sur la durée théorique de combustion de ces moteurs. Donc en fait, il ressort que ces moteurs fonctionnent a priori. Voilà. Une réaction, Maxime, plutôt aussi, ou pour commenter un peu ce green run, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est pas très spectaculaire, on voit pas d'image, alors que de l'autre côté, du côté privé, dès qu'on envoie quelque chose, dès qu'on essaie de faire réatterrir une fusée, même si tout ça explose, on voit des photos partout, on a l'impression que quand même la NASA fait des choses de manière beaucoup plus discrète. C'était un jalon assez important en effet, puisque c'est le dernier test avant l'envoi de ce corps central à Cap Canaveral et son assemblage avec ses boosters latéraux. Et ça, la NASA, elle n'a pas le droit à l'échec. Donc ce test devait bien se passer, les quatre moteurs ont rugi comme prévu, une batterie de tests et de données ont été analysées, le feu vert a été donné et la mission peut avancer. C'est pourquoi Green Run et pourquoi la NASA n'a pas le droit à l'échec? Alors la NASA, ça, c'est une vieille devise de la NASA, safety is not an option, c'est surtout parce qu'à l'époque... La sécurité n'est pas une option, parce que quand on emmène des hommes à bord, on ne doit pas échouer pour leur propre sécurité, mais aussi pour le prestige du programme, puisque tout échec, surtout au lancement, est emblématique, et au-delà des pertes humaines, il peut aussi sceller le destin du programme. Mais on y reviendra dans la deuxième partie, Xavier Pascaux, tout de même un mot, parce que là on constate, puisqu'on va évidemment beaucoup parler de la concurrence de SpaceX, deux politiques radicalement différentes, puisque la NASA n'a pas le droit à l'échec, Elon Musk, ça explose, ça tombe à côté de la barge, les moteurs ratent, on a l'impression que c'est pas grave, je veux dire, s'il y a un feu d'artifice, c'est pas grave, on prend les mêmes, on recommence, on prend pas exactement les mêmes, on améliore et on recommence. Oui, donc 15 disent que c'est partie intégrante de la philosophie d'Elon Musk qui vient d'un monde extérieur à celui du spatial. Comme le disait Maxime, le spatial, c'est un monde qui s'est caractérisé depuis ses débuts par la minimisation absolue de l'échec. Et donc, avant même de tester quelque chose, il faut même un test en soi... doit déjà en fait être une sorte d'achèvement et doit consacrer un système qui a été totalement rodé a priori, donc il peut toujours y avoir un échec. Mais c'est vrai qu'on est failure adverse, comme les Américains, on est vraiment rétif à l'échec. Au contraire, Elon Musk, lui, teste, itère, casse, revient et réitère avec, pense-t-il, le correctif qu'il a apporté. Alors ça, c'est très « new space », entre guillemets, ouais. Puisqu'il y a d'autres sociétés dans le domaine des satellites qui ont aussi cette philosophie-là. Et c'est vrai qu'on oppose volontiers les deux. Ça fait partie des ruptures un peu culturelles qui se produisent aujourd'hui avec ces nouveaux entrants. Alors, on reviendra sur ces deux stratégies, effectivement, et ces deux philosophies très différentes. Et puis, pour des, on imagine que tout ça, bon, finalement, ça donne à la fin un lanceur lourd, mais on va voir que ces lanceurs lourds sont quand même, effectivement, aussi pensés relativement différemment. Mais je vais avoir deux questions préliminaire, et on a une heure pour répondre, hein, il ne faut pas la réponse immédiatement. La première, c'est finalement, pourquoi ne pas avoir ressorti Saturn V? Pourquoi ne pas avoir ressorti ce qui marche, puisqu'on sait que l'espace est conservateur? Pourquoi ne pas avoir ressorti la bonne vieille Saturn V en se disant, bah, on va réutiliser ce qui a fonctionné pour Apollo, Maxime Puteau? Tout simplement parce que la technologie a quand même un peu évolué depuis, et l'approche qui a été choisie avec le SLS, ça a été de revaloriser de la technologie existante, et en fait le SLS aujourd'hui, c'est un Lego de briques techno qui ont volé sur la navette spatiale et d'autres lanceurs. Les boosters blancs latéraux, c'est une version augmentée de ceux de la navette spatiale. Les moteurs RS-25, ce sont les moteurs de la navette spatiale qui étaient réutilisables et qu'on a aujourd'hui qu'on va jeter à chaque utilisation, et ainsi de suite pour l'étage supérieur, qui est celui de lanceur Delta 4 amélioré, parce que dans une contrainte de budget et de temps, on a essayé de revaloriser ce qui existait déjà pour minimiser les coûts, et aussi avec le SLS, il y a une problématique d'emploi, c'est-à-dire donner du travail aux gens qui étaient au chômage avec la fin de la navette. Mmh. Xavier Pascaux ? Oui, et en plus, on a le sentiment que aujourd'hui, ce qui s'est produit depuis Saturn V, c'est le souci de perfection qui s'est accru. Les gens à la NASA vous disent, si on avait mis autant de caméras sur Saturn V qu'on en a mis sur la navette, par exemple, à la fin de sa vie, on n'aurait jamais fait voler Saturn V. Parce qu'on aurait vu plein de problèmes, plein de phénomènes qu'on ne connaissait même pas, dont on ne soupçonnait pas l'existence. Aujourd'hui, on est dans une optique où on veut minimiser le risque, absolument, d'autant que là, on est avec un équipage. On l'était aussi avec Saturn V, mais on a bien le temps qui a passé et, je dirais, la culture de protection, de sauvegarde qui a aussi beaucoup évolué. Et donc, aujourd'hui, on veut absolument minimiser le risque et puis, effectivement, utiliser des choses éprouvées, mais qui sont maîtrisées aujourd'hui techniquement. Et alors, la deuxième grande question, c'est pourquoi la NASA va-t-elle aussi lentement, Xavier Pascaux? Alors, effectivement, ce programme qui démarre en 2011 devait normalement, je crois, conduire un premier vol en 2016-2017. Alors, en réalité, on a vu des changements de configuration successifs, en fait, que ce soit pour le premier étage, que ce soit pour le deuxième étage, avec visiblement, effectivement, une interface avec l'industrie, hein, qui est donc Boeing et d'autres, qui mettent en musique ce gros lanceur, cet énorme lanceur, qui ont conduit à un doublement carrément du budget prévu. Hein, on est aujourd'hui à 20 milliards au lieu des 10 milliards prévus. Mais ça c'est un peu un systématique dans l'espace, les retards. Alors, et l'augmentation du budget. Plus forcément, Maxime Buteau. Plus forcément, justement, parce que la NASA, elle a habitué ses contracteurs à des contrats qu'on appelle cost plus, c'est-à-dire tous vos coûts sont couverts et en plus, je vous garantis vos marges, alors qu'elle a introduit avec le contrat COT dans lequel SpaceX a émergé, des contrats finalement où c'est du co-investissement entre les fonds de la NASA et les fonds de l'industriel, que ce soit SpaceX ou un autre, et du co-développement parallèle, c'est-à-dire que le carnet de chèques n'est pas un chèque en blanc en fait, jusqu'à la fin du programme, il y a des étapes, et si l'industriel ne réussit pas, le contrat est annulé. C'est ce qui est arrivé pour des partenaires, des concurrents de SpaceX, pardon. Oui, tout à fait. C'est donc les fixed price, hein, les contrats fixes, et charge à l'industriel de fournir le service qu'on lui demande de fournir dans le cadre de ce contrat dont l'enveloppe est totalement déterminée dès le début. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc tout au long de cette heure du Space Launch System de la NASA, le futur lanceur lourd qui est censé amener les prochains astronautes américains, et peut-être pas que d'ailleurs, sur la Lune. Nous en parlons avec Maxime Puteau et Xavier Pascon. On va revenir en arrière, donc, hein, 2003, deuxième accident de la navette spatiale avec la destruction Columbia. C'est George Bush qui est à l'époque le président des États-Unis et qui, du coup, on va accompagner la navette spatiale vers une sortie lente et progressive, hein, le dernier vol sera en 2011 je crois, mais George Bush lance un nouveau programme spatial qui est le programme Constellation, Xavier Pascoe. Voilà, qui est le programme Constellation qui est censé remettre les États-Unis un peu dans l'axe. Alors non seulement à la suite évidemment traumatisante de l'accident de Columbia, mais aussi autre chose qui se passe en octobre 2003, c'est le premier astronaute chinois en orbite. Et là il y a une espèce d'effet de cisaillement qui est symboliquement un peu traumatisant pour les États-Unis. Et George Bush, qui n'avait jamais vraiment prêté beaucoup d'intérêt à l'espace, annonce en janvier 2004 un nouveau programme, un retour vers la Lune, et cette fois-ci pour y rester, dit-il, enfin pour s'y installer. Et c'est le programme Constellation, effectivement, qui prévoit des lanceurs, qui prévoit des lanceurs lourds, et qui prévoit une installation progressive, un recentrage des États-Unis sur le retour vers la Lune. Alors, retour vers la Lune qui fait à l'époque un peu controverse, parce que on a déjà coché la case. Et ça va d'ailleurs structurer un petit peu le débat politique à venir entre, dans la course présidentielle, avec un Barack Obama qui, lui, va être beaucoup moins fanat, en réalité, de ce retour vers la Lune, et va justement dire... Si les Chinois veulent y aller, si les Russes veulent y aller, grand bien leur qu'ils fasse. Y aillent, oui, c'est qu'ils ça. Voilà. Et puis, mais ça va lancer quand même une première activité. Alors, ça va à la fois lancer une première activité sur les lanceurs, sur les grands programmes. Ça va centrer l'ANSA là-dessus. Et puis, ça va aussi donner le premier coup de départ pour la délégation à une entreprise privée qui pourrait du coup aider la NASA à remplir d'autres missions, comme par exemple celle d'aller vers la station spatiale pour y transporter du fret et des astronautes. Mmh. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à penser programmes commerciaux en soutien, en complément des programmes fédéraux. Mmh. Et ce programme Constellation, il comprend deux projets de lanceurs qui ne sont pas encore le SLS, qui s'appellent Ares 1 et 5. Quels sont ces lanceurs et en quoi ils diffèrent déjà d'une des anciens et en quoi ils vont différer du futur? Le but, Maxime, c'était plutôt déjà de scinder l'envoi de l'équipage avec un nouveau lanceur plus léger, l'Ares 1, de l'emport de l'atterrisseur lunaire et de l'étage de transfert sur Ares 5. Donc c'était on divise les lourds, donc plus lourd, voilà. Et d'un côté on a un lanceur qui est capable d'assurer la sécurité de l'équipage et l'autre c'est un grand lanceur lourd qui n'a pas besoin d'être aussi fiable mais qui transportera finalement les charges lourdes. Et de cette approche là finalement on voit d'autres pays faire la même chose. Et la Chine a récemment annoncé qu'elle allait faire la même chose puisque c'est une manière d'ajouter de la flexibilité. L'équipage peut venir après une fois que tout va bien. Et puis finalement avec le SLS on est revenu à la case départ où c'est l'équipage volera avec son étage supérieur. Et là, en ce moment, il y a des débats autour et un appel d'offres sur les atterrisseurs. Et là, c'est pas encore figé. Un mot sur ce projet de lanceur Ares 1 et 5. Il va pas avancer beaucoup, il va pas avancer très vite et il va être assez vite interrompu justement par Barack Obama. Absolument. L'idée, c'est déjà, on a l'idée déjà la fin de vie de la navette, et donc l'idée, c'est de réutiliser aussi, et notamment pour les boosters, par exemple, pour les propulseurs à poudre, de réutiliser les, au maximum. Les deux colonnes sur les côtés. Absolument. Deux, parfois plus. On veut absolument essayer de reconvertir, mais ça, c'est constant dans l'histoire spatiale américaine, faire en sorte que l'industrie spatiale, le complexe industriel qui s'est construit autour, ne souffre pas des changements de programme, et voire des changements de vision d'une administration à l'autre. Et ça, c'est constant, et c'est ce qui va se traduire aussi pour le SLS, hein, c'est-à-dire que dans la suite d'RS1 et RS5, qui va réutiliser, comme le disait Maxime, pas mal d'éléments de Lego qui venaient de ces programmes, mais c'est aussi pour assurer une forme de lissage, de continuité industrielle, tout en réinscrivant le programme dans une nouvelle vision. Donc ça, c'est toujours un jeu un petit peu compliqué. Du coup, Obama, en 2010... met un terme en tout cas au programme Constellation, mais en fait il l'interrompt pas vraiment, parce que comme vous le disiez, il y a plein de petits éléments de ce programme qui vont continuer à avoir une vie pérenne, notamment la capsule Orion. Exactement, qui a survécu au programme, et pendant des années en fait cette capsule elle avait pas vraiment de destination. Il y a eu un petit peu des errances dans les années Obama où on s'est dit on va se concentrer sur la technologie, et à la différence des programmes passés où le politique fixait une échéance qui n'était souvent jamais tenu, qui en plus ne survivait pas aux mandatures. Là, l'administration Obama s'est dit on va faire mûrir la technologie, on va faire mûrir aussi le secteur privé, et on s'offrira le luxe ensuite de choisir une destination. Il y a eu vaguement la Vision to Mars, qui était un programme assez flou. Il y a aussi eu l'idée d'aller visiter un astéroïde avec un équipage, à un moment donné de le faire revenir l'astéroïde vers la Lune, sans jamais susciter vraiment l'adhésion du Congrès, qui est vraiment celui qui fixe la politique spatiale aux États-Unis. Mais alors Orion, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut repréciser un peu pourquoi est-ce que Orion s'échappe finalement du coup d'arrêt mis à Constellation, et que va devenir ce programme Orion, qui est encore celui aujourd'hui, la capsule qui est censée amener les futurs astronautes sur la Lune et ailleurs. Alors, Orion, c'est quelque chose qui s'appelait avant Multi-Purpose Crew Vehicle, en fait, donc véhicule d'équipage multifonction. Alors, quand vous ne savez pas exactement pourquoi est fait, vous l'appelez comme ça. Effectivement, c'était vraiment vu comme quelque chose d'assez bizarre. Finalement, en fait, Orion, enfin, qui s'appelle Orion aujourd'hui, mais ce MPCV à l'époque, c'était vu comme le symbole d'une NASA qui n'avait plus d'objectif. En fait, on lui avait retiré la Lune. Effectivement, on avait dit la Lune, c'est beaucoup trop cher. C'est de toute façon, il y avait une volonté de rupture politique entre Obama et Bush. Et donc, il y avait l'idée de dire on arrête Constellation, donc on arrête la Lune, mais on garde effectivement la compétence essentielle. Et donc, on fait le SLS et Orion. Et à partir de là, on dit, vous allez faire effectivement de la recherche technologique, sachant que l'objectif ultime, c'est Mars. Mais on ne sait pas trop quantifier, on ne sait pas trop dire quand. Et donc, la NASA va être dans une forme d'apesanteur, si j'ose dire, un peu en dépression, au moment même où effectivement, on fait émerger en parallèle ces nouvelles industries privées qui ne se passent seulement des Boeing et des Lockheed, qui sont des maîtres d'œuvre avec un maître d'ouvrage NASA qui donne les plans et Boeing construit. Là, c'est autre chose. Ce sont des nouvelles sociétés qui ont aussi une vision, qui parlent de Mars, donc qui, quelque part, statutairement, sont un peu en concurrence avec la NASA. Et ça, c'est très, très nouveau. Et la NASA va traverser les années Obama de manière extrêmement déprimée, je veux dire. Et le retour sur la Lune, d'une certaine manière, ça redonne une roadmap, ça recrée une sorte de pyramide entre les institutions, les entreprises privées, avec la NASA au-dessus, qui désormais est beaucoup plus à l'aise dans ses relations avec l'industrie. Oui, parce qu'il faut préciser que la capsule Orion, c'est Lockheed Martin qui l'a construit, avec un budget environ, je crois, en tout cas à l'époque, d'1 milliard par an, je parle sous votre contrôle. Exactement. Pourquoi est-ce qu'en 2011, finalement, la NASA se lance dans ce développement d'un lanceur lourd? En quoi la NASA en a-t-elle besoin? Pourquoi est-ce qu'elle ne, finalement, compte pas sur ces nouveaux acteurs émergents, voire sur, encore une fois, aujourd'hui, les Chinois, les Russes, y compris, pourquoi pas, l'Europe avec Arianespace, Maxime Puteau? En fait, c'est très simple, c'est Nicolas, plus on veut aller loin, plus on a besoin de carburant et d'énergie, et du coup, plus il faut des lanceurs grands. Alors, soit on utilise un lanceur ex nihilo très très grand, soit on utilise des lanceurs existants qu'on va assembler et avec du rendez-vous en orbite. Et c'est une approche qui a été proposée par certaines organisations, notamment la Mars Society, avec des projets comme Mars Direct. Mais c'est pas l'approche qui est choisie par la NASA, qui préfère avoir un lanceur lourd capable dès le début d'acheminer toute la mission plutôt que faire du rendez-vous complexe en orbite. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre option qui n'a pour le moment jamais été choisie, qui est celle d'avoir d'avoir des lanceurs légers, entre guillemets, type Ariane, d'envoyer plusieurs éléments et de construire, de rassembler, de un peu comme un Lego spatial, pour tout ça en orbite. Exactement. Voilà, pour éviter du coup d'avoir à déployer tant d'énergie depuis le sol. Donc pourquoi ce choix finalement du lanceur lourd? Pourquoi parce que c'est un choix de sécurité, c'est un choix de souveraineté. C'est un peu tout ça. Ouais. C'est un choix économique aussi, il faut être clair. Hein. C'est un choix industriel. C'est un choix de souveraineté. Et évidemment, on est dans il faut se rappeler qu'on est dans une époque où, par exemple, le transport des astronautes vers la station spatiale, c'est monopolisé par la Russie. Mmh. C'est vu comme quelque chose d'absolument inacceptable depuis des années. Et depuis des années, pourtant, c'est comme ça. Et les Américains n'arrivaient pas jusqu'à très récemment à être autonome sur ce segment-là. Et ça envenimait le débat politique, véritablement. Et puis, il y a aussi des intérêts locaux, hein, qui sont des intérêts liés aux parlementaires qui sont dans des états clés et qui ont ces industries. Donc, tout ça se mêle pour faire un débat intérieur américain toujours très, très intense, etc. Et on va aller vers ce choix d'avoir ce gros lanceur. Il faut se rappeler que le rapport, quand Obama était arrivé à la présidence, il avait demandé une évaluation de Constellation et un rapport qui était le rapport fait par la commission Augustine, du nom de l'expert très connu qui l'a dirigé. Et ce rapport disait, si on devait aller sur la Lune, c'est minimum 600 tonnes par an en orbite. Et donc, évidemment, ça donnait tout de suite quand même ces idées d'être capable de lifter, de lancer ce matériel en orbite. Et donc, c'était vu comme un investissement. Maxime Puteau. Et vous évoquez aussi le rôle des acteurs privés. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un vrai scepticisme vis-à-vis des acteurs émergents tels que SpaceX. Parce qu'on est en 2011, hein, c'est donc il y a 10 ans. SpaceX n'a pas encore atteint. Ouais. Exactement. SpaceX a reçu des premiers contrats de développement, ouais, sans garantie de contrat de service à la fin pour la NASA. Et finalement, ces contrats fractionnés qui ont été approuvés par le Congrès, c'était un moyen de dire, bon, écoutez, on va vous laisser faire, on va voir comment vous débrouillez. Mais en tout cas, on pense que sur ces enjeux de souveraineté, il n'y a que la NASA avec ses industriels établis qui peuvent le faire. Alors, c'est très difficile à dire pour moi, c'est un enfer de prononciation. Ce Space Launch System, on va y arriver. Vous le disiez, Maxime, c'est une sorte de Lego, ça emprunte en partie, ça récupère des modèles de technologie développés pour Ares, ça emprunte un peu à la navette spatiale, c'est une sorte d'assemblage, c'est pour ça que ça prend du temps de mettre ensemble toutes ces technologies. Comment est-ce qu'il est monté, ce Lego, finalement ? Eh ben, pour rebondir sur les remarques de Xavier sur l'aspect politique, c'est un Lego qui fait travailler toute l'industrie. Et donc, vous avez des moteurs qui sont faits en Alabama, vous avez un lanceur qui va être tiré depuis la Floride, et puis vous avez aussi tout un nombre d'activités qui sont faites un peu partout aux États-Unis. Donc, ça prend du temps. Et puis, il y a la structure même du contrat, donc encore une fois, qui n'incite pas forcément à aller très très vite, puisque le Boeing est garanti non seulement d'être payé, mais en plus de marger là-dessus. Et comme tous les grands programmes, ça prend du temps, et la sécurité étant le premier paradigme, on préfère être en retard plutôt que d'avoir des morts. Xavier Basco. Oui, pour reprendre ce qui vient d'être dit, il faut savoir que la NASA, depuis ses débuts, a comme devoir, à chaque fois qu'elle lance un grand programme, j'allais dire, d'arroser les 50 États américains. Ouais. Parce qu'évidemment, plus vous avez le soutien des locaux, plus vos programmes vont passer facilement au Congrès. Tout ça ne facilite pas les choses, tout ça n'accélère pas les choses, mais on est toujours dans cette optique. Les fameux moteurs, c'est les moteurs RS-25. Vous pouvez nous en dire un mot? Quelle différence, quelle spécificité, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne? Ce sont les SSME, donc les moteurs de navette, hein, qui sont parmi les moteurs qui ont la pression la plus forte dans leur chambre de combustion et qui sont en fait parmi les moteurs les plus puissants aujourd'hui qui existent et qui ont d'ailleurs posé problème à chaque fois que la navette revenait. La navette était censée être réutilisable et en réalité ces moteurs devaient être totalement refaits. On imagine que la facture pour la réfection à chaque vol d'un moteur pour la navette, c'était $500 millions. Pourquoi est-ce qu'il devait être refait? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas facilement réutilisable? Parce qu'en fait, à l'époque, vous savez, un moteur fusée, c'est d'abord fait pour... c'est optimisé pour envoyer un objet en orbite. Faire retourner ces moteurs ensuite et les réutiliser une deuxième fois, c'est tout de suite nécessairement plus de matière, puisqu'il va y avoir de l'usure, donc il faut prévoir plus de matière. Donc tout ça est plus lourd, plus coûteux et compliqué à refaire à chaque fois. Maxime Puteau. Oui, et puis c'était des moteurs qui aussi ont été conçus à la fin des années 60, début des années 70. Donc il y avait tout un héritage et des technologies et des méthodes de conception qui étaient complètement différentes. On ne parlait même pas d'impression additive. On était encore sur des carburants... Impression additive, c'est ce qu'on appelle impression 3D dans le langage courant. Voilà. Donc toutes les technologies qui permettent d'alléger la masse ou d'améliorer la conception et d'optimiser le système, ça n'existait pas. Donc c'était des moteurs qui coûtaient très cher. Et en fait, on a des images qui sont assez intéressantes. On a les concepts de maintenance de navette où on voit une navette toute nue dans son hangar avec une grue et trois opérateurs. Et la réalité. Je suis allé sur place à Cap Canaveral et la navette était complètement noyée sous ses grues, sous ses échafaudages, parce qu'en fait on la démontait complètement à chaque fois. La démontait pour la reconstruire en fait. Justement, on le dit finalement, c'était une tentative de faire des réutilisables qui n'a pas fonctionné, et on comparera par rapport à SpaceX tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la NASA, à cette époque-là, donc au début des années 2010, ne fait pas le pari d'investir dans du réutilisable? Elle le tente peut-être, Xavier Pascaud? Alors, elle ne le tente pas vraiment, parce qu'effectivement, le réutilisable, c'est un traumatisme en fait pour la NASA, et pas que pour la NASA, d'ailleurs pour l'ensemble de la communauté spatiale en 2010, réutilisable, c'était navette spatiale. Et navette spatiale, tout le monde s'accordait à dire, c'est un très beau programme technologique, mais d'un point de vue opérationnel, vous savez qu'on prévoyait 45 tirs par an au début du programme de navette, et on en était très loin, parce qu'on ne savait même pas le faire. Et on s'est dit, mais le réutilisable, c'est vraiment la piste à ne pas suivre en réalité. Il faut au contraire du jetable, pas cher, etc. Et ça, ça a été vraiment... Il y avait deux choses, hein. deux slogans, c'était faire du jetable pas cher, donc c'était le Expandable Evolved Launch Vehicle, ça c'était pour le Pentagone à l'époque, on avait dit, ben, les militaires, il faut absolument qu'ils prennent ça, surtout pas la navette. Et puis c'était ne pas mélanger équipage et fret. Ça, c'était vraiment la deuxième priorité, en disant, mais finalement, on est en train de faire des fusées très complexes, des véhicules très complexes pour assurer légitimement la sécurité de l'équipage, mais pour envoyer des satellites ou pour envoyer des choses à la place, c'est pas la peine. Donc on était déjà sur ces idées de... Et puis là, effectivement, on est revenu pour d'autres raisons sur ce mélange un peu des genres, mais c'est toujours un peu délicat. Il y a une question qui s'est posée avec la navette spatiale et qui se pose aujourd'hui avec le SLS, c'est qu'en fait, c'est des moyens de transport auxquels on a essayé ensuite de trouver une destination. Et la navette spatiale, elle a été votée par le Congrès, mais elle devait desservir des stations spatiales qui ont mis du temps à se matérialiser. Le premier vol de la navette spatiale, c'est 1981. Il y a eu des amarrages ensuite avec Mir à la fin de l'ère soviétique. Il y a eu la construction de la station spatiale internationale qui a justifié la navette spatiale. Et là, le SLS, c'est exactement la même chose. Le Congrès a voté un lanceur lourd. Et on lui cherche une destination aujourd'hui. Bon, alors Trump avait voté pour la Lune. Voilà, c'est finalement, pour une fois qu'on va dire du bien de Donald Trump, peut-être. J'exagère évidemment, mais en tout cas. Le spatial, elle lui remercie. Non, mais voilà, le spatial remercie Donald Trump, puisque c'est sous sa présidence en 2017 qu'est lancé le programme Artemis et qui donne une raison d'être, finalement, Xavier Pascaud, à ce SLS. À ce SLS et à la NASA. Et la NASA aussi, pour oui, le coup, ça. Effectivement, ça recrée une sorte de sillage, en fait, derrière lequel, bien, finalement, des acteurs comme Bezos et Musk vont finalement se réaligner, finalement. Ça donne un sentiment d'organisation, de réorganisation du spatial américain qui souffrait cruellement, quand même, de cette absence d'objectifs, en tout cas, à moyen terme. Là, pour le coup, la Lune, alors Trump en rajoute en disant, bien, en 2024, on va faire atterrir des gens, etc. Donc là, il voulait même que la première mission Artemis soit une mission d'atterrissage. Alors là, il y a eu quand même, je dirais, une petite résistance, réaction de la structure, et parce que c'est techniquement pas faisable. Mais ça a au moins effectivement relancé ça. Et pour le coup, ça a permis, je pense, de réorganiser un petit peu l'effort spatial américain, ça c'est vrai, avec un nouveau... Vous savez qu'au Congrès, on s'est même posé des questions de savoir pourquoi on votait des budgets pour la NASA alors qu'éventuellement, ces budgets, on pourrait les transférer à de l'entreprise privée qui a des idées. Ouais. Donc ça a vraiment... Alors, on n'en a jamais été juste là, c'était plus du symbole et de l'échange politique un petit peu comme ça, provocateur. Mais ça en dit long sur la crise un peu qu'a traversé la NASA. Donc effectivement, la première directive spatiale de Donald Trump a un peu réorganisé tout ça. Ouais. Et néanmoins, on reparlera du programme Artemis tout à l'heure, mais il a fallu 11 Apollo pour mettre des êtres humains sur la Lune. Artemis, ce sera 3 missions. Donc ça veut dire que ça a été quand même très, très, très... Enfin, si ça se passe comme ça, on n'y est pas encore. Un mot peut-être tout de même, Maxime Puteau, sur aujourd'hui ce qu'est ce programme SLS qui, même s'il a à nouveau une mission qui est celui de reposer des êtres humains et donc certainement des femmes d'ailleurs sur la Lune, beaucoup de retard, un coût performance extrêmement défavorable, surtout si on commence à regarder aujourd'hui ce que fait la concurrence et ce que fait la concurrence privée. Oui, parce qu'ils n'ont pas été conçus sur le même logiciel ni à la même époque. Donc un vol de SLS, selon les estimations de la NASA ou du GAO, qui est un peu la Cour des comptes américaine, c'est entre 1 milliard et 4 milliards le vol. C'est sans commune mesure avec les prix qu'on peut trouver pour l'industrie, mais qui, encore une fois, n'a pas construit des lanceurs, les a conçus pour les mêmes raisons, et qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes performances. Ça va peut-être changer avec le développement du Starship et des autres lanceurs lourds. Eh bien, c'est ce dont il va être question dans la deuxième partie de l'émission. crois que je suis blessé. Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner la nuit et ça. Et ma tête est en pleurs sur le pavé. Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir. Ah, un titre qui résonne à mon cœur, puisque c'est Paradigme de la femme à 16h35 sur France Culture. Nous parlons du SLS, le Space Launch System américain de la NASA, en compagnie de Maxime Puteau, qui est conseiller industriel au sein du cabinet Euroconsult, spécialisé dans les études de marché pour l'industrie spatiale, et Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, il y a peut-être, si vous nous écoutez depuis le début de cette émission, un grand absent dans nos conversations, l'Europe. Dans tout ça, ben oui, niveau lanceur lourd, l'Europe est un peu hors course, quoique Arianespace met les dernières touches à son prochain lanceur, Ariane 6, un projet a priori très différent du SLS, mais qui pourrait néanmoins à terme peut-être prendre sa part dans le retour sur la Lune et ailleurs, ou plus loin. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je suis allé à la rencontre d'Olivier Bugnet, qui est chef de projet au CNES de ce lanceur Ariane 6, qui sera lancé par l'Agence spatiale européenne, si tout va bien, en 2022. Ariane 6 est en réalité un projet double puisqu'il y aura deux lanceurs, Ariane 62 et Ariane 64, un lanceur moyen et un lanceur lourd. Olivier Bugnet nous explique les modifications qui ont été apportées à ces lanceurs par rapport à Ariane 5, ainsi que les missions qui lui seront confiées. Et vous allez l'entendre, à l'instar du SLS, Ariane 6 pourrait peut-être un jour contribuer à une mission européenne en direction de la Lune. Dès 2009, le CNES d'abord et puis ensuite avec l'Agence spatiale européenne, des questions se sont posées sur la suite d'Ariane 5 avec deux axes principaux. Un premier axe qui était la réduction des coûts, puisque déjà à l'époque, Ariane 5, par rapport à la concurrence qu'on sentait venir, commençait déjà à être plutôt dans le haut des lanceurs en termes de coûts. Et puis le deuxième axe, c'était la modularité au sens large, donc d'avoir une fusée qui soit une fusée lourde pour les satellites géostationnaires, mais également plus modulable puisqu'on sentait venir et les constellations et également la possibilité d'avoir des missions plus variées que celle d'Ariane 5 qui est vraiment très orientée sur soit les satellites géostationnaires, soit l'exploration et des missions dans le système solaire. On parle dans notre émission du Space Launch System de la NASA, qui est un lanceur super lourd. Si on devait placer Ariane 6 dans cette famille, dans cette grande famille des lanceurs, dans quelle catégorie joue Ariane 6 ? Ariane 6 joue dans deux catégories. Les lanceurs moyens, avec une Ariane 6 où il n'y a que deux boosters sur les quatre, qui permet principalement de répondre à un besoin institutionnel sur des missions de proches de la Terre, on va dire, donc observation de la Terre, etc., mais aussi potentiellement Galiléo, l'émission Galiléo serait envoyée avec cette version moyenne. La deuxième catégorie, je dirais, d'Ariane 6, c'est les lanceurs qu'on appelle lourds et non pas super lourds. Donc des lanceurs qui sont capables d'envoyer jusqu'à 11 tonnes hors de grandeur en orbite géostationnaire, de transfert géostationnaire, et qui sont capables d'envoyer jusqu'à 20 tonnes, on va dire, hors de grandeur aussi, en orbite basse, type pour desservir la Station Spatiale Internationale, ou en fonction des missions de type exploration vers la Lune, vers Mars, etc., de nombreuses tonnes aussi, mais une capacité quand même bien moindre que celle de SLS d'autres gros projets de lanceurs super lourds. La performance maximale d'Ariane 6, elle est assez proche de la performance maximale d'Ariane 5. Donc comme je disais, les deux axes, c'est modularité et réduction des coûts. Donc oui, il y a de l'innovation, il y a des améliorations sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Alors ça fait un petit peu moins rêver, mais une des grosses améliorations d'Ariane 6, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on avait Ariane 5 qui était issu de chercher les meilleures technologies, etc., avec des façons de fabriquer qui étaient des années 80-90. On est passé à un mode sur Ariane 6, à renouveler l'outil industriel, on va dire, avec des techniques de fabrication plus proches de l'automobile, etc., de la grande série, pour réduire les coûts de fabrication, améliorer l'efficacité de l'outil industriel. Donc ça, c'est grosso modo sur l'outil industriel. Ensuite, sur l'objet lui-même, Donc sur l'objet lui-même, il y a plusieurs améliorations. Il y a de la fabrication additive, un peu les imprimantes 3D, mais sur des pièces complexes. Donc là, au lieu de partir d'un bloc de métal qu'on vient creuser, enlever beaucoup de matière, etc., bah, on fabrique, comme sur une imprimante, des pièces complexes. Sur la fusée, on a des moteurs qui sont un moteur qui est réallumable, en particulier le moteur Vinci, qui était issu d'une suite normalement qui aurait pu aller sur Ariane 5, donc a commencé à être développé à la fin des années 90. Donc sa capacité de réallumable, elle apporte cette modularité dont je parlais au début de la discussion. En quoi ça apporte une... Qu'est-ce que ça permet concrètement, une fois que la fusée est lancée, que le moteur soit réallumable dans l'espace? Ça permet quand même d'avoir typiquement une première partie de la mission... Donc sur une certaine trajectoire, profiter de l'attraction terrestre, profiter de laisser la fusée poursuivre une certaine trajectoire toute seule dans l'espace. Et ensuite, une fois qu'elle est à un point différent et intéressant, effectuer un rallumage pour avoir une autre trajectoire et donc globalement une capacité d'aller chercher des trajectoires différentes à moindre coût de performance. Il n'y a pas une fusée, mais il y en a deux, je crois. Il y a 62 et 64, exactement. C'est ça leur nom. Pourquoi avoir fait ce choix de subdiviser le lanceur en deux profils et à quoi correspondent ces deux profils? Donc Ariane 62, c'est typiquement le lanceur moyen qui va pouvoir faire, d'une part qui est moins cher, mais qui va aussi pouvoir être plus adapté à des missions de type Galiléo, de type orbite basse, etc. Et donc la classe typiquement Soyouz ou ce genre de fusée. Le A64, lui, est vraiment la classe Ariane 5 et donc a une performance plus importante et répond à un besoin plus soit commercial, soit pour de l'exploration du système solaire. En termes de calendrier pour Ariane 6, quel est le calendrier? J'imagine que la pandémie a pas mal bousculé le projet. À quelle échéance Ariane 6 va pouvoir être lancée? On est sur un calendrier à 2022. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de grosses difficultés sur les phases d'essai qui nous attendent, qui restent encore des phases importantes, hein, de mise au point, on va dire, ou de vérification ultime, on est autour de mi-2022 pour un lancement d'Ariane 6. Et effectivement, la pandémie a bloqué, a arrêté complètement les chantiers, les usines, et donc a retardé tout ça. Oui. La mission SLS s'intègre dans le programme de la NASA qui s'appelle Artemis, qui vise la Lune. Est-ce qu'un jour Ariane 6 pourra elle aussi s'intégrer à un programme fictif pour l'instant, potentiel, de retour vers la Lune de l'Agence spatiale européenne? Oui, bien sûr. Typiquement, Ariane 6 a une capacité de plusieurs tonnes d'envoyer du matériel sur la Lune. Effectivement, tout à fait. Ça fait partie. C'est pour ça que ce lanceur lourd, il fait tout son sens également dans cette perspective d'exploration du système solaire. Voilà donc, l'Europe n'est pas complètement en dehors de la course à l'espace, heureusement. Néanmoins, effectivement, c'est une question. Pourquoi est-ce que Ariane Espace ne cherche pas à faire son lanceur super lourd? C'est trop cher, pas d'intérêt géopolitique, pas d'intérêt et justement pas de mission qui donnerait un sens à un lanceur super lourd. Quelle est votre opinion, Xavier Pascaud? En fait, Ariane Espace fait les lanceurs dans le contexte européen. Et dans le contexte européen, historiquement, on a d'abord souhaité avoir une autonomie d'accès à l'espace pour y placer des satellites, essentiellement. Et donc pour faire de l'espace dit utile, enfin on appelle ça l'espace utile en Europe. Et en fait, pour la France notamment, c'était absolument impératif, à la fois pour maintenir la compétence dans le domaine de la propulsion, etc. Et on sait que pour la France c'est important, et puis aussi pour avoir cette activité spatiale circumterrestre. À partir de là, il n'y a pas eu d'investissement européen pour l'exploration, alors en particulier habitée, à longue distance, j'allais dire, de longue portée. Et ça, c'est resté un trait de l'activité spatiale européenne. Nous nous sommes traditionnellement concentrés sur l'activité satellitaire, donc cette autonomie, hein, cette garantie d'accès à l'espace indépendant, mais sans aller vers des lanceurs trop lourds, hein, qui auraient été très coûteux, qui auraient nécessité un accord politique de l'ensemble des pays européens et qui auraient été très, très difficiles à obtenir. Maxime Puteau sur ce sujet. Oui, le vol habité en Europe, il y a un petit peu un scepticisme et puis il y a aussi un traumatisme avec l'annulation du projet Hermès, qui était la petite navette spatiale qui devait voler sur Ariane 5. Et on s'est dit, on va faire du spatial pour des applications utiles, comme le disait Xavier, donc de la navigation, de l'observation de la Terre, de l'environnement, le climat, et aussi lancer des satellites de commerciaux, essentiellement de télécommunications, qui n'ont pas aujourd'hui besoin d'un lanceur lourd. Après, demain, si on a des lanceurs lourds, et peut-être plusieurs, qui ont des diamètres de 7-9 mètres, on pourrait peut-être avoir des satellites beaucoup plus gros et du coup justifier ces super lanceurs. Alors revenons-en au contexte américain et au SLS. On l'a dit, aujourd'hui, il y a une course à l'espace qui ne se passe plus entre pays autrefois ennemis, mais c'est entre le public et le privé. Et on l'a dit, il y a vraiment une différence aujourd'hui qui laisse à penser que finalement, peut-être bien que c'est SpaceX qui est en train de définir les nouveaux standards de la construction spatiale et des modèles économiques et industriels de tous les lanceurs, ce qui ferait finalement du SLS, avant même qu'il soit lancé, une sorte de dinosaure des temps passés. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Pascaud ? Alors, c'est vrai que SpaceX, donc dans sa conception et dans son évolution, a révolutionné un petit peu le standard industriel spatial. Aujourd'hui, l'espace, c'est essentiellement un tissu industriel avec des maîtres d'œuvre, des primes, comme on dit, et puis tout un réseau de sous-traitants, etc. Alors ça, c'est un premier point que Musk a vraiment bouleversé. Il a verticalisé, comme on dit, sa production, en estimant que finalement, ce qui coûtait très cher dans l'industrie en général et dans l'industrie spatiale en particulier, ce sont les coûts de transaction entre les différents acteurs, etc. Et donc, si on peut construire chez soi, internaliser, on va dire, une pièce, un produit, etc. Et donc, on va le faire puisqu'on va minimiser les coûts. Vraiment, il a été obsédé par cette minimisation des coûts. Et donc, il a eu ce... Alors ça a suscité beaucoup de scepticisme parce qu'évidemment, il y a un coût d'entrée, je dirais, quand vous ne maîtrisez pas une technologie, c'est de l'acquérir, de se l'approprier, de la développer, qu'elle devienne opérationnelle. Eh bien, il a réussi ce tour de force, effectivement, il faut reconnaître. Et d'ailleurs, qu'il fait un peu chez Tesla, d'ailleurs, hein, qui est son autre activité automobile, cette fois-ci. On a un peu la même chose. Donc, on a une industrie qui a mis du temps à se mettre en place, quand même. Ça coûte très cher et c'est très compliqué. Mais effectivement, il y a un peu du retour sur investissement, on pourrait dire. On a l'impression, en tout cas, aujourd'hui, avec Falcon 9, notamment. Alors, est-ce qu'on peut parler de la même chose pour Falcon 9, qui est son lanceur léger. Qui est son lanceur moyen, qui est celui qui est spectaculaire parce qu'on voit les étages qui reviennent, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Falcon 9, eh bien, a un coût de lancement affiché qui est bien moindre que celui, par exemple, d'Ariane, et donc a mordu un peu, je dirais, sur l'activité commerciale d'Ariane, par exemple, mais sur d'autres lanceurs. Donc ça, c'est vraiment un point nouveau. Maxime, plutôt pour est-ce que du coup, encore une fois, le futur lanceur super lourd, le Starship d'Elon Musk va quasiment ringardiser immédiatement ce SLS de la NASA. Quel peut être l'intérêt pour les États-Unis d'avoir à la fois un lanceur entre guillemets public, ou en tout cas issu d'une agence publique, et un lanceur privé d'Elon Musk? C'est vrai qu'il y a un risque de compétition. On aurait tort d'opposer la NASA et SpaceX. Ils sont pas les concurrents. L'un est fournisseur de l'autre et l'un a besoin de l'autre et inversement. En effet, oui, Starship, par la diversité de ses fonctions, c'est un premier étage de lanceur, Super Heavy. C'est un deuxième étage qui peut être à la fois un lanceur de satellite, un réservoir de carburant, mais aussi un vaisseau avec une capsule avec des équipages et peut-être même un atterrisseur sur la Lune. Ça pourrait concentrer toutes les activités du SLS et d'Orion et des atterrisseurs, et en effet peut-être se substituer à toutes ces technologies qui sont peut-être d'une autre génération. Comment est-ce que vous pensez que la NASA a intérêt aujourd'hui à se convertir, parce que alors on peut parler finalement, là on parle de SpaceX n'est pas le seul opérateur privé, on peut penser également à Blue Origin n'a pas du tout la philosophie de SpaceX. Blue Origin procède plutôt industriellement de la même façon que la NASA. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un... D'ailleurs, ils sont mieux perçus de la communauté spatiale, qui est très, très... Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de Elon Musk et de SpaceX. En revanche, souvent, quand vous parlez aux gens de la communauté spatiale, ils disent on comprend mieux Bezos parce qu'il avance effectivement de manière plus traditionnelle. Aujourd'hui, évidemment, Bezos se trouve quand même très en retard par rapport à Elon Musk et à SpaceX en particulier. Enfin, du fait de toute l'activité de lancement de SpaceX, Bezos n'a encore jamais lancé. Son New Glenn, je crois, c'est prévu pour le quatrième trimestre 2022. Maintenant, on repousse beaucoup de choses. Il a aussi voulu nouer des alliances avec l'industrie en créant des moteurs qui pourraient être utilisés sur d'autres lanceurs, par exemple le Vulcan de ULA, donc Boeing Lockheed, etc. Donc il a eu une démarche très très différente, et en même temps il a bénéficié de moins de fonds que SpaceX en provenance de la NASA pour développer ses propres programmes. Donc on est dans une logique un peu différente. En même temps, ces deux industriels-là sont les deux industriels très en pointe aujourd'hui. Et on voit bien qu'il se positionne en réalité sur le long terme pour être fournisseur, je dirais, d'aide logistique finalement en quelque sorte. C'est-à-dire que le programme lunaire aujourd'hui est un programme multifacette qui intègre énormément d'éléments. La NASA est un peu le chef d'orchestre, mais la NASA sait elle-même qu'elle va avoir besoin de s'appuyer, y compris sur ses capacités de lanceurs lourds, chez les uns ou chez les autres, pour amener de la logistique en orbite. Et au bout du compte, la Lune, c'est l'objectif, mais on voit bien que l'espace Terre-Lune, ça va devenir un peu le terrain de jeu de tous ces acteurs. Un mot justement sur cette philosophie très différente et plus classique finalement de Jeff Bezos, Maxime Puteau. Et ben, en fait, lui aussi, il a une vision, c'est-à-dire d'être le transporteur, d'être le fournisseur d'infrastructures. Et lui, finalement, sa vision, elle se retrouve dans l'approche du New Glenn, c'est-à-dire que New Glenn, c'est le nom de son super lanceur. Son super lanceur, qui doit être réutilisable dès son premier vol. Et la philosophie, elle est radicalement différente d'Elon Musk, qui a appris à faire des vélos avant de faire des voitures et de faire des camions. Bezos, il veut faire une Ferrari sans avoir jamais rien construit. Donc ça met plus de temps. Ça marchera peut-être dès le premier coup, mais forcément, c'est plus compliqué. Et il a été assez malin pour justement revendre ou faire des partenariats avec des acteurs établis, même pour les atterrisseurs lunaires. Il est en compétition avec SpaceX et il a mis dans sa poche Lockheed Martin et Northrop Grumman pour les emmener en tant que partenaire de son atterrisseur Blue Moon. Donc c'est une approche assez plus conservatrice. Mais encore une fois, alors je vais vous reposer la question, quel est l'intérêt aux États-Unis d'avoir, aujourd'hui où on en est, alors d'une où on est de Starship, et quel est l'intérêt pour les États-Unis d'avoir un lanceur super lourd privé qui pourrait lui aussi lancer, alors on voit bien, on imagine bien ce qu'Elon Musk a en tête, et pourquoi pas même du tourisme spatial, bref, toutes sortes de choses exotiques qui nous intéressent moins ici, mais pourquoi finalement entrer en concurrence sur son propre territoire avec un acteur privé qui est par ailleurs un contractant? Oui, tout à fait. Mais il y a eu d'ailleurs les années passées des interrogations qui ont été soulevées par le directeur même de la NASA pour dire, mais si ça se trouve, on fait le SLS, mais si ça se trouve, il y aura des alternatives qui seront plus intéressantes. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. Le SLS est devenu le cheval de bataille de la NASA pour le programme lunaire. Parce qu'il est plus, avancé. Enfin, il est plus avancé ou plus sûr. Enfin, il fait il moins peur. Il est en tout cas mieux balisé. Voilà. Mais sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu ces autres lanceurs super lourds. En fait, il a servi d'amorce. Donc, il est peut-être déjà obsolète. Mais sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu Starship. Il n'y aurait pas eu ce stimuli. Donc, le gouvernement, à court terme, il a des besoins. Il est satisfait lui-même sur une manière traditionnelle qui coûte très cher. Et peut-être qu'il passera le relais. En fait, il fait le constat qu'il y a énormément d'investissements privés et que le gouvernement peut peut-être réduire la facture vis-à-vis du contribuable ou optimiser la dépense publique, puisqu'il y a des milliardaires qui, pour la première fois, ont une vision. On les fond et on le culot d'oser de construire des super lanceurs. Oui. Mais vous me disiez, Maxime Puteau, justement, pour qu'on se rende bien compte, en tout cas en termes financiers, que grosso modo, et vraiment là vous me corrigez si je me trompe, hein, mais que pour le SLS ou pour la NASA, on est de l'ordre de 10 000 dollars au kilo lancé. Plus. Au-delà, ouais. On est sur 20 000 dollars le kilo. 20 000 dollars le kilo lancé. Pour Starship, on a combien? Starship, le prix annoncé, si Elon Musk le vend à 2 millions de dollars le lancement, on est à 2 000 dollars le kilo. Mais c'est, enfin, je veux dire, ça pourrait potentiellement casser en fait les coûts de lancement et peut-être déverrouiller des nouvelles applications. On parle d'une croissance en orbite, mais peut-être aussi même de rendre viables des business qui ne le sont pas, tels que la récupération de satellites, de débris. Les ordres de grandeur, hein, c'est frappant. La navette spatiale, c'était 28 000 dollars le kilo en orbite. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur en réalité. On voit bien que ce sont des ordres de grandeur tout à fait NASA, on va dire. Et effectivement, ce que propose Musk, alors avec la part d'incertitude, la part d'hypothèse, on va dire, de Paris, eh bien c'est un ordre de grandeur différent, inférieur. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau aussi pour concevoir effectivement le développement d'une activité industrielle dans l'espace. Mais 10 fois moins cher, c'est un ordre de grandeur quand même assez... Alors, le Musk Factor, c'est que ça met toujours un peu plus long de temps qu'annoncé, et toujours un peu plus cher, mais quand même. Un mot quand même sur... alors on a vu les lancements de ce lanceur super lourd d'Elon Musk... Pour le moment, ça vole, ça réatterrit, ça explose à peu près toujours à chaque fois, mais c'est pas grave. Il y arrivera. Ça coûte pas très cher déjà. Ça coûte pas très cher, enfin. C'est de la tôle. Starship, c'est de la tôle. C'est construit par des personnes qui construisaient des bateaux sur des chantiers navals ou des châteaux d'eau. Et c'est de la tôle qui est soudée avec des moteurs qui sont extrêmement puissants, extrêmement précis, mais qui sont construits en Californie. Et on teste, on fait voler, on crache et on apprend. Et chaque Starship, en fait, est complètement différent. Il apprend de ses erreurs et on améliore et il y arrivera. Et pour le coup, il peut se permettre, puisqu'il le fait sur, quasiment sur des fonds privés. Il a un petit peu de fonds NASA, pas grand-chose sur le Starship. C'est 130 millions de dollars pour la version d'atterrisseur lunaire et quelques petites aides. Mais il peut se permettre de prendre ce risque. Il avance très vite. Vous rendez-vous compte, il y a 2 ans, il annonçait qu'il produirait un Starship par semaine. On y est presque. Et il y a 2 ans, tout le monde regardait ça avec... Un Starship par semaine ? Sorte des usines à Boca Chica, dans ses hangars. Et même la manière dont faut regarder les photos de Boca Chica pour se rendre compte qu'en fait, au milieu de nulle part, à la frontière mexicaine et l'océan Atlantique, des Caraïbes, on construit des fusées dans la terre, on a construit des tentes autour des fusées, et on construit la chaîne, on assemble, et on crache, et on apprend, et un jour, il y arrivera. Alors ça aussi, ça perturbe beaucoup la communauté spatiale traditionnelle. Pas que, même, d'ailleurs. La lecture même de la campagne d'essai est compliquée, puisqu'effectivement, à chaque fois, on teste des choses différentes. Alors, une campagne d'essai, normalement, est assez logique avec un enchaînement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de logique, mais du point de vue des observateurs professionnels... Tout le monde regarde ça. Il y a des gens qui passent leur journée à Boca Chica à filmer, et on a encore du mal à comprendre vraiment à quelle vitesse ils vont. Ou même pourquoi des fois ils testent. Et pourquoi ils testent, tel système alors que ça n'a pas de rapport avec ce qui a été testé la fois d'avant. Donc c'est vraiment, il y a une, là encore à nouveau, un doute en réalité qui subsiste. Et malgré le fait qu'il a donné des preuves de sa capacité à faire sortir des choses totalement inédites. Et donc là encore, et je dirais que même la NASA elle-même par rapport à Starship est un peu ambivalente parce qu'à la fois... elle veut faire émerger ces acteurs privés comme, d'une certaine manière, une alternative utile, montrant aussi qu'elle utilise bien le dollar du taxpayer américain, du contribuable américain. Et en même temps, la démarche est tellement différente que ça reste quelque chose de... Et donc, ça justifie aussi le SLS qui, lui, est plus traditionnel. Un mot, peut-être, pour conclure, puisque le SLS, l'objectif, en tout cas, la fin de cette première séquence, c'est le programme et la mission Artemis, premier lancement Artemis 1, donc avec une capsule vide pour faire le tour de la Lune, c'est normalement à la fin d'année. Normalement à la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine, selon les difficultés. Parce qu'il y a eu le Covid qui a ralenti un peu tout ça par ailleurs. Voilà, et donc il y a cette idée d'enchaîner ensuite avec Artemis 2, donc qui là serait une mission habitée qui ne se poserait pas, et Artemis 3 qui serait la première. Le premier posé sur la Lune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Artemis, ça s'éteint dans le temps après beaucoup plus longtemps. Et il y a aussi toute la question de la station circumlunaire qui est là, qui a été proposée, puis qui a été disqualifiée, puis qui est revenue. Enfin voilà, donc tout ça reste encore en construction. Mais aujourd'hui, c'est Artemis 1, 2 et 3, donc Artemis 1 qui devient le repère immédiat. Et Artemis 3, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes sur la Lune, normalement aujourd'hui, la date, c'est 2024. 2024. C'est après-demain, hein, en termes de construction. Oui, mais c'est aussi à la fin et probablement au-delà du premier mandat de Joe Biden, et se pose du coup la question du soutien politique de l'administration actuelle et des bénéfices que l'administration peut retirer de ces missions-là et éventuellement de son successeur. Aujourd'hui, l'administration actuelle dit ce sera sans doute pas 2024. Ah, d'ores et déjà. Oui. Ouais. C'est de toute façon là aussi trois capsules uniquement, c'est-à-dire poser des c'est réaliste. C'est ambitieux. C'est que, comment? Parce que revenir à poser des êtres humains sur la Lune avec seulement trois capsules, c'est assez rapide quand même par rapport à ce qu'a fait Apollo notamment. Oui, alors tout à fait. Mais on était dans la logique d'Apollo, on était, je dirais, un peu plus empirique. On n'avait pas les moyens de calcul, pas les moyens de simulation, etc. Tout ça a beaucoup changé, comme disait Maxime tout à l'heure. Et donc on y va plus en confiance. En même temps, c'est vrai que c'est quand même pour la NASA. Et là, je pense que l'émulation, elle se fait aussi de l'autre côté. La NASA devait prouver qu'elle était capable désormais. On va dire d'agir de manière moderne, même si en réalité c'est sans doute une simplification que de dire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'administration Trump, la NASA n'a pas été très bien traitée en réalité. En fait, elle a été bien traitée, mais d'un point de vue politique, Trump a eu une forme de défiance. Pour lui, la NASA, c'était l'exemple de la bureaucratie fédérale. Et en même temps, il n'aimait ni Musk, ni Bezos. Donc, il avait autant de défiance des uns que des autres. Et la NASA a compris qu'il fallait qu'elle montre qu'elle était plus efficace qu'avant. D'autant qu'elle sortait d'années où elle a été quand même accusée de beaucoup de maux. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci d'être venus nous parler de ce Space Launch System. Et j'ai réussi à le dire bien pour la dernière fois, avant un petit bout de temps. Merci Maxime Puteau, merci Xavier Pascoe, le nouvel agent spatial, on peut vous lire aux éditions du CNRS. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Trio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Dominique Gatzin-Ville, Francine Lausanne, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Demain, pour les bactéries, eh bien on le sait, il y a les antibiotiques, notamment ceux à large spectre. spectres qui ratissent tout sur leur passage, mais pour les virus, c'est une autre affaire. Pourquoi n'existe-t-il pas d'antivirus universel qui viendrait à bout de toutes les infections virales ? Ça aurait été bien pratique contre le SARS-CoV-2 ou même encore aujourd'hui contre le VIH. Eh bien, on fait le point sur la recherche en virologie demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.